dans les villes qui se trouveraient sur notre chemin ? Mon père, ayant trouvé que nous gagnions de bonnes journées avec notre violon et notre harpe, décida que nous resterions musiciens, et il nous signifia sa volonté la veille de notre départ. « Retournons en France, me dit Mathia, et profitons de la première occasion qui se présentera pour nous sauver. » « Pourquoi ne pas faire un voyage en Angleterre ? Parce que je te dis qu'il nous arrivera une catastrophe. Nous avons chance de trouver Madame Milligan en Angleterre. Moi, je crois que nous avons beaucoup plus de chance pour cela en France. Enfin, essayons toujours en Angleterre, nous verrons ensuite. Sais-tu ce que tu mérites ? Non, que je t'abandonne et que je retourne tout seul en France. Tu as raison, aussi je t'engage à le faire. Je sais bien que je n'ai pas le droit de te retenir. Je sais bien que tu es trop bon de rester avec moi. Pars donc, tu verras Lise, tu lui diras... Si je la voyais, je lui dirais que tu es bête et méchant de pouvoir penser que je me séparerai de toi quand tu es malheureux. Car tu es malheureux, très malheureux. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu aies de pareilles idées ? Dis-moi ce que je t'ai fait. Rien, n'est-ce pas ? Eh bien, en route alors. Nous voilà de nouveau sur les grands chemins. Mais cette fois, je ne suis plus libre d'aller où je veux et de faire ce que bon me semble. Cependant, c'est avec un sentiment de délivrance que je quitte Londres. Je ne verrai plus la cour du Lion Rouge et cette trappe qui, malgré ma volonté, attirait mes yeux irrésistiblement. Combien de fois me suis-je réveillé la nuit en sursaut, ayant vu dans mon rêve, dans mon cauchemar, une lumière rouge entrer par ma petite fenêtre. C'est une vision, une hallucination, mais qu'importe. J'ai vu une fois cette lumière, et c'est assez pour que je la sente toujours sur mes yeux, comme une flamme brûlante. Nous marchions derrière les voitures, et au lieu des exhalaisons puantes et malfaisantes de Bethnal Green, nous respirons l'air pur des belles campagnes que nous traversons, et qui n'ont peut-être pas du green dans leur nom, mais qui ont du vert pour les yeux, et des chants d'oiseaux pour les oreilles. Le jour même de notre départ, je vis comment se faisait la vente de ces marchandises qui avaient coûté si peu cher. Nous étions arrivés dans un gros village et les voitures avaient été rangées sur la grande place. On avait abaissé un des côtés, formé de plusieurs panneaux, et tout l'étalage s'était présenté à la curiosité des acheteurs. « Voyez les prix, voyez les prix !» criait mon père. « Vous n'en trouverez nulle part de pareil. Comme je ne paye jamais mes marchandises, cela me permet de les vendre bon marché. » « Je ne les vends pas, je les donne. Voyez les prix, voyez les prix. » Et j'entendais des gens qui avaient regardé ces prix dire en s'en allant « Il faut que ce soit là des marchandises volées. » Il le dit lui-même. S'ils avaient jeté les yeux de mon côté, la rougeur de mon front leur aurait appris combien était fondée leur supposition. S'ils ne virent point cette rougeur, Mathias la remarqua, lui, et le soir il m'en parla. Bien que d'ordinaire, il évita d'aborder franchement ce sujet. « Pourras-tu toujours supporter cette honte ?» me dit-il. « Ne me parle pas de cela, si tu ne veux pas me rendre cette honte plus cruelle encore. » « Ce n'est pas cela que je veux. Je veux que nous retournions en France. Je t'ai toujours dit qu'il arriverait une catastrophe. Je te le dis encore, et je sens qu'elle ne tardera pas. Comprends donc qu'il y aura des gens de police qui, un jour ou l'autre, voudront savoir comment Master Driscoll vend ses marchandises à si bas prix. Et alors, qu'arrivera-t-il ? Mathia, je t'en prie. Puisque tu ne veux pas voir, il faut bien que je voie pour toi. Il arrivera qu'on nous arrêtera tous, même toi, même moi, qui n'avons rien fait. Comment prouver que nous n'avons rien fait ? Comment nous défendre ? N'est-il pas vrai que nous mangeons le pain payé avec l'argent de ces marchandises ? Cette idée ne s'était jamais présentée à mon esprit. Elle me frappa comme un coup de marteau qu'on m'aurait asséné sur la tête. « Mais nous gagnons notre pain, » dis-je, en essayant de me défendre, non contre Mathia, mais contre cette idée. « Cela est vrai, » répondit Mathia, « mais il est vrai aussi que nous sommes associés avec des gens qui ne gagnent pas le leur. C'est là ce qu'on verra, et l'on ne verra que cela. Nous serons condamnés, comme ils le seront eux-mêmes. Cela me ferait grand-peine d'être condamné comme voleur. Mais combien plus encore cela m'en ferait-il que tu le fusses ? Moi, je ne suis qu'un pauvre misérable, et je ne serai jamais que cela. Mais toi, quand tu auras retrouvé la famille, ta vraie famille,

comme à propos de notre vache. Si je sortais innocent de cette accusation, n'aurais-je pas la douleur de voir condamner, justement condamner, ceux dont on me croyait le complice ? Il me fallut traverser, tenu par le policeman, la haie des curieux qui accouraient sur notre passage. Mais on ne me poursuivit pas de huées et de menaces comme en France, car ceux qui venaient me regarder n'étaient point des paysans, mais des gens qui tous, ou à peu près, vivaient en guerre avec la police. Des saltimbanques, des cabaretiers, des bohémiens, des tramps, comme disent les Anglais, c'est-à-dire des vagabonds. La prison où l'on m'enferma n'était point une prison pour rire, comme celle que nous avions trouvée encombrée d'oignons. C'était une vraie prison, avec une fenêtre grillée de gros barreaux de fer, dont la vue seule tuait dans son germe toute idée d'évasion. Le mobilier se composait d'un banc pour s'asseoir et d'un hamac pour se coucher. Je me laissai tomber sur ce banc et j'y restai longtemps, accablé, réfléchissant à ma triste condition, mais sans suite, car il m'était impossible de joindre deux idées et de passer de l'une à l'autre. Combien le présent était terrible, combien l'avenir était effrayant. « Bon courage, m'avait dit Mathia, nous ne t'abandonnerons pas. » Mais que pouvait un enfant comme Mathia? Que pouvait même un homme comme Bob, si celui-ci voulait bien aider Mathia? Quand on est en prison, on n'a qu'une idée fixe, celle d'en sortir. Comment Mathia et Bob pouvaient-ils, en ne m'abandonnant pas et en faisant tout pour me servir, m'aider à sortir de ce cachot? J'allai à la fenêtre et l'ouvris pour tâter les barreaux de fer qui, en se croisant, la fermaient au dehors. Ils étaient scellés dans la pierre. J'examinai les murailles. Elles avaient près d'un mètre d'épaisseur. Le sol était dallé avec de larges pierres. La porte était recouverte d'une plaque de tôle. Je retournai à la fenêtre. Elle donnait sur une petite cour étroite et longue, fermée à son extrémité par un grand mur qui avait au moins 4 mètres de hauteur. Assurément, on ne s'échappait pas de cette prison, même quand on était aidé par des amis dévoués. Que peut le dévouement de l'amitié contre la force des choses? Le dévouement ne perce pas les murs. Pour moi, toute la question présentement était de savoir combien de temps je resterais dans cette prison avant de paraître devant le magistrat qui déciderait de mon sort. Me serait-il possible de lui démontrer mon innocence malgré la présence de Capi dans l'église? Et me serait-il possible de me défendre sans rejeter le crime sur ceux que je ne voulais pas, que je ne pouvais pas accuser? Tout était là pour moi, et c'était en cela seulement, que Mathia et son ami Bob pouvaient me servir. Leur rôle consistait à réunir des témoignages pour prouver qu'à 1h15, je ne pouvais pas être dans l'église Saint-Georges. S'ils faisaient cette preuve, j'étais sauvé, malgré le témoignage muet que mon pauvre Capi porterait contre moi. Et ces témoignages, il me semblait qu'il n'était pas impossible de les trouver. Ah, si Mathia n'avait pas eu le pied meurtri, il saurait bien chercher, se mettre en peine. Mais dans l'état où il était, pourrait-il sortir de sa voiture? Et s'il ne le pouvait pas, Bob voudrait-il le remplacer? Ces angoisses, jointes à toutes celles que j'éprouvais, ne me permirent pas de m'endormir malgré ma fatigue de la veille. Elles ne me permirent même pas de toucher à la nourriture qu'on m'apporta. Mais si je laissais les aliments de côté, je me précipitais au contraire sur l'eau, car j'étais dévoré par une soif ardente. Et pendant toute la journée, j'allais à ma cruche de quart d'heure en quart d'heure, buvant à longs traits, mais sans me désaltérer et sans affaiblir le goût d'amertume qui m'emplissait la bouche. Quand j'avais vu le geôlier entrer dans ma prison, j'avais éprouvé un mouvement de satisfaction et comme un élan d'espérance, car depuis que j'étais enfermé, j'étais tourmenté, enfiévré par une question que je me posais sans lui trouver une réponse. Quand le magistrat m'interrogerait-il? Quand pourrais-je me défendre? J'avais entendu raconter des histoires de prisonniers qu'on tenait enfermés pendant des mois, sans les faire passer en jugement ou sans les interroger, ce qui pour moi était tout un, et j'ignorais qu'en Angleterre, il ne s'écoulait jamais plus d'un jour ou deux entre l'arrestation et la comparution publique devant un magistrat. Cette question que je ne pouvais résoudre fut donc la première que j'adressai au geôlier qui n'avait point l'air d'un méchant homme, et il voulut bien me répondre que je comparaîtrais certainement à l'audience du lendemain. Mais ma question lui avait suggéré l'idée de me questionner à son tour. Puisqu'il m'avait répondu, n'était-il pas juste que je lui répondisse aussi? « Comment donc êtes-vous entré dans l'église ?» me demanda-t-il. À ces mots, je répondis par les plus ardentes protestations d'innocence. Mais il me regarda en haussant les épaules. Puis, comme je continuais de lui répéter que je n'étais pas entré dans l'église, il se dirigea vers la porte, et alors, me regardant, « Sont-ils vicieux, ces gamins de Londres ?» dit-il à mi-voix. Et il sortit. Cela m'affecta cruellement. Bien que cet homme ne fût pas mon juge, j'aurais voulu qu'il me crût innocent. À mon accent, à mon regard, il aurait dû voir que je n'étais pas coupable. Si je ne l'avais convaincu, me serait-il possible de convaincre le juge? Heureusement, j'aurais des témoins qui parleraient pour moi, et si le juge ne m'écoutait pas, au moins serait-il obligé d'écouter et de croire les témoignages qui m'innocenteraient. Mais il me fallait ces témoignages. Les aurais-je? Parmi les histoires de prisonniers que je savais, il y en avait une qui parlait des moyens qu'on employait pour communiquer avec ceux qui étaient enfermés. On cachait des billets dans la nourriture qu'on apportait du dehors. Peut-être Mathia et Bob s'étaient-ils servis de cette ruse, et quand cette idée m'eut traversé l'esprit, je me mis à émietter mon pain, mais je ne trouvais rien dedans. Avec ce morceau de pain, on m'avait apporté des pommes de terre. Je les réduisis en farine. Elles ne contenaient pas le plus petit billet. Décidément, Mathia et Bob n'avaient rien à me dire, ou ce qui était plus probable, ils ne pouvaient rien me dire. Je n'avais donc qu'à attendre le lendemain, sans trop me désoler, si c'était possible. Mais par malheur, cela ne me fut pas possible. Et si vieux que je vive, je garderai, comme s'il datait d'hier, le souvenir de la terrible nuit que je passai. Ah, comme j'avais été fou de ne pas avoir foi dans les pressentiments de Mathia et dans ses peurs. Le lendemain matin, le geôlier entra dans ma prison, portant une cruche et une cuvette. Il m'engagea à faire ma toilette, si le cœur m'en disait, parce que j'allais bientôt paraître devant le magistrat, et il ajouta qu'une tenue décente était quelquefois le meilleur moyen de défense d'un accusé. Ma toilette achevée, je voulus m'asseoir sur mon banc, mais il me fut impossible de rester en place, et je me mis à tourner dans ma cellule comme les bêtes tournent dans leur cage. J'aurais voulu préparer ma défense et mes réponses, mais j'étais trop affolée. Et au lieu de penser à l'heure présente, je pensais à toutes sortes de choses absurdes qui passaient devant mon esprit fatigué comme les ombres d'une lanterne magique. Le geôlier revint et me dit de le suivre. Je marchai à côté de lui, et après avoir traversé plusieurs corridors, nous nous trouvâmes devant une petite porte qu'il ouvrit. « Passez, » me dit-il. Un air chaud me souffla au visage, et j'entendis un bourdonnement confus. J'entrai et me trouvai dans une petite tribune. J'étais dans la salle du tribunal. Bien que je fusse en proie à une sorte d'hallucination et que je sentisse les artères de mon front battre comme si elles allaient éclater, en un coup d'œil jeté circulairement autour de moi, j'eus une vision nette et complète de ce qui m'entourait, la salle d'audience et les gens qui l'emplissaient. Elle était assez grande, cette salle, haute de plafond, avec de larges fenêtres. Elle était divisée en deux enceintes, l'une réservée au tribunal, l'autre ouverte aux curieux. Sur une estrade élevée était assis le juge. Plus bas et devant lui siégeaient trois autres gens de justice qui étaient, je le sus plus tard, un greffier, un trésorier pour les amendes et un autre magistrat qu'on nomme en France le ministère public. Devant ma tribune était un personnage en robe et en perruque, mon avocat. Comment avais-je un avocat? D'où me venait-il? Qui me l'avait donné? Était-ce Mathia et Bob? C'étaient là des questions qu'il n'était pas à l'heure d'examiner. J'avais un avocat, cela suffisait. Dans une autre tribune, j'aperçus Bob lui-même, ses deux camarades, l'aubergiste du Gros Chêne et des gens que je ne connaissais point. Puis dans une autre, qui faisait face à celle-là, je reconnus le policeman qui m'avait arrêté. Plusieurs personnes étaient avec lui. Je compris que ces tribunes étaient celles des témoins. L'enceinte réservée au public était pleine. Au-dessus d'une balustrade, j'aperçus Mathia. Nos yeux se croisèrent, s'embrassèrent, et instantanément, je sentis le courage de me relever. Je serais défendu. C'était à moi de ne pas m'abandonner et de me défendre moi-même. Je ne fus plus écrasé par tous les regards qui étaient dardés sur moi. Le ministère public prit la parole, et en peu de mots, il avait l'air très pressé, il exposa l'affaire. Un vol avait été commis dans l'église Saint-Georges,